I just like the sound. Viens voir ce que je vis, gros, c'est pas des lol. J'ai vu le poteau pour la dernière fois au jol. Ils font pleurer la maman, c'est pas drôle. Mandat mission, faut assumer le poteau en tol. J'en ai marre des bouffeurs de kipol. En plus ils font les gros, toutes ces grandes folles. Les problèmes s'enchaînent donc s'il vous plaît laissez-moi. Ils veulent me faire déménager, j'accepte pas tous ces morts. Tous ces morts à celui qui voulait me rabaisser. Ils écoutent derrière les murs, ils veulent m'entendre baiser. J'tourne en rond, j'suis à pied, ils sont contents. Ça va pas m'empêcher de passer du bon temps. Renard qui se lève bon matin, ça fait zézir. Rejoins Buck qui va me rendre un peu amnésique. Heureusement que j'ai la musique, je vais faire du sport, travailler le physique. Je regarde même plus les critiques, je n'écoute même plus les flics. Je fais des fautes mais ça sonne comme une poésie. Je veux pas faire comme eux, ils vivent dans l'hypocrisie. Toi aussi tu surécoutes, ben moi aussi. Je les vois tous, ils me regardent comme un fils de. Je m'en bats avec ma cousine. Je suis la posée déterminée. Faut faire gaffe, le terrain est miné. Je dis n'importe quoi, ça passe. Là c'est du l'instru, je fracasse. Je les ai vus passer comme des bâtards. Ils voulaient nous mettre au placard. Non, y'a pas de blablabla. Tu passeras, ça fera ratata. Bande de folles, on est là, là, là, là. Qui tu cherches, on est là. Ouais, ouais, ouais, ouais, on est là. Besoin de ZL. Des problèmes d'anxiété, des problèmes de société. Posé dans le front, même ad. On s'en bat avec nous, des bouffeurs de queue. Bouffeurs de queue. On vous a reconnu, ben faites de la queue. Ok, on est là. Sous êtes là, je suis posé comme un fou dans le froid, dans le froid. Ouais, ouais, on est là. Posé sur le terre-terre, on s'en fout. Les Schmitt, faut leur faire la zézère. La zézère. La zézère. Posé dans la location. Nous en donne pas l'occasion. Ne nous en donne pas l'occasion.